n'est pas si difficile de conjuguer français. Partage-y la couleur, le nom, la ville passait juste après le courage qui resterait et qui partirait, qui resterait. Historiquement, terre d'accueil pour le meilleur et pour le pire. Celui qui adopte pour abandonner est-il un cœur pris dans la cire? Mon pays fait mal, mon pays fait mal, mon pays fait mal. Quel est celui qui peut prétendre renvoyer famille et foyer, ouvrir ses bras pour faire attendre, mais au bout du compte, garder le doigt levé? Voici ma lettre au gouvernement. Mais non, nos frères ne sont pas des ours. Et s'il y a ma lettre maintenant, amis, reconsidérons-en la source. Reçois ma lettre au gouvernement. Regarde le peuple comme une ressource. Il aspire à l'être quand tu gouvernement et commet les erreurs pour lesquelles tu le courses. Quand mon pays fait mal, c'est mon cœur. Et mon pays fait mal, et mon cœur qui a charter et remplacer les fonds de cale. Les formes changent, mais les fonds restent. Maintenant au peuple d'éloigner la peste. Est-ce un aveu quand pour toute morale le garant de l'ordre se filme et se vante en poussant des familles au cœur du drame social? Maintenant au peuple d'évaluer la pente. Que mon pays dévale, mon pays déraille, mon pays fait mal. Partage si la couleur, le nom, la ville passait juste après le courage. Voici ma lettre au gouvernement. Mais non, nos frères ne sont pas des ours. Et s'il y a ma lettre maintenant, amis, reconsidérons-en la source. Reçois ma lettre au gouvernement. Regarde le peuple comme une ressource. Il aspire à l'être quand tu gouvernement et commet les erreurs pour lesquelles. Mon pays fait mal, c'est mon cœur qui a honte, et mon pays fait mal. Regarde le peuple comme une ressource. Il aspire